Jean Bosco, Ndoui Man. Bonsoir et merci d'être avec nous dans ce journal, la dernière édition de cette soirée du 14 juin 2017. Voici les grands titres de cette édition. Arrestation ce mardi d'un employé de la fonction publique qui aurait facilité la perception des salaires indus par des fonctionnaires en leur octroyant des primes de fonction auxquelles ils n'avaient pas droit. Et trois stations-service de la mairie de Bujumbura sont suspendues pour une période de 7 jours à partir de ce 15 juin. Selon un communiqué du ministère de l'Énergie, ces stations ont continué à violer les règles de commercialisation du carburant. Un chef de ménage et son employé ont été grièvement blessés à la machette tard cette nuit, de mardi à mercredi, au quartier Kamesa, en zone Moussaga. Même si le chef de zone promet d'éradiquer ce genre de criminalité, il regrette dans le même temps le manque d'éclairage pouvant influencer sa recrudescence. Et un incendie a décimé tout le matériel d'un bureau tout près de la station Mogas, situé au quartier Kigobe, non loin du boulevard du 28 novembre. Et le bilan de l'incendie de samedi dernier qui a ravagé des stands situés dans l'immeuble appartenant à Daizamba est très lourd. Comme ont pu le constater leurs propriétaires, ils y ont eu accès ce mardi. Reportage dans cette édition. Voilà pour le sommaire, le développement de ces nouvelles et bien d'autres. C'est dans un instant. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Rebonsoir. Trois stations-service dont Mogas Nyakawiga, Mogas Kigobe et Kigobe City Oil sont suspendues pour une période de 7 jours à partir de ce 15 juin. Selon le communiqué du ministère de l'Énergie, ces stations ont continué à violer les règles de commercialisation du carburant, notamment la distribution dans les bidons sans autorisation. Concernant la vente du carburant, les stations-service sont désormais autorisées à fonctionner de 6h à 21h, heure locale. Suivez les précisions de Leonida Sindai Gaya, c'est le porte-parole du ministère de l'Énergie. Après analyse des données recueillies sur le terrain, certaines irrégularités ont été constatées. Il s'agit notamment des stations-service qui ont été surprises en train de distribuer du carburant en bidon sans autorisation délivrée par les services compétents. Des stations-service qui avaient des produits stockés clandestinement et des stations-service qui ne disposaient pas du matériel nécessaire de jaugeage et les pancartes d'orientation montrant que c'est fermé ou que la station est ouverte. Et face à cette situation, le ministère de l'Énergie et des Mines porte à la connaissance du public que les mesures suivantes sont prises. Les stations-service Mogas Kigobe, Mogas Nyakawiga et Kigobe City Oil sont momentanément fermées pour une période de 7 jours à compter du 15 juin 2017. Les quantités de carburant saisies en cachette sont mises à disposition du ministère ayant la solidarité dans ses attributions et pour usage social. Des stations-service qui ne disposaient pas de pancartes d'orientation et du dispositif de jaugeage sont intimées de s'en procurer au plus tard le 25 juin 2017. En outre, les autorisations délivrées par le gouverneur de province sont uniquement valables dans leur circonscription. Toute autorisation de transport de carburant en bidon, en fût, doit rester portée en original après son usage, le nom de la station ainsi que le nom et numéro de téléphone du pompiste. Leonidas Sindai Gaya, c'est le porte-parole du ministère de l'Énergie. Deux personnes ont été blessées à coups de machette dans le quartier de Kamesa, en zone Moussaga de la mairie de Bujumbura, au cours de la nuit de ce mardi. Le chef de zone de Moussaga indique que si la population travaille en commun accord avec les forces de sécurité, la situation pourrait revenir à la normale. Mais il déplore dans le même temps le manque de courant électrique qui peut influencer la recrudescence de la criminalité. Reportage de Francine Néokougaïo. Il s'agit d'un ménage dans certain Jean Dikoumana qui a été attaqué aux environs de 19h de ce mardi. Sa femme indique que trois hommes armés de machettes et de torches ont blessé gravement ce chef de ménage qui rentrait chez lui et son domestique qui est sorti le premier quand il a appelé au secours. Le soir, monsieur Gendakoumana est rentré chez lui. Il a rencontré le malfaiteur et le chef de ménage et le groom ont été blessés à la tête grave. Le malfaiteur avait des machettes. Ils étaient à combien? À trois. Le chef de zone Moussaga pense que ce sont des bandits. Antoine Rumenietso fait savoir qu'en étroite collaboration avec la population, ils peuvent éradiquer ces groupes de malfaiteurs. Ce sont des bandes de bandits. Et je pense que la cadrologie, administration, population, justice,

Ces commerçants et couturiers disent avoir perdu beaucoup de marchandises et matériel, sauf quelques stands situés à l'entrée de la galerie. Beaucoup d'entre eux étaient également des victimes de l'incendie qui a ravagé le marché central de Bujumbura. Nous n'avons rien pu sauver, si bien que nous encaissons beaucoup de pertes. Certains tailleurs ont pu sauver quelques pièces de machines. Nous demandons au gouvernement ou aux bienfaiteurs de nous venir en aide parce que nous sommes venus du marché central et vous vous souvenez que nos marchandises ont été toutes ravagées. Nous étions en train de nous relever et voilà ce qui se passe. Cet incendie n'a causé aucun dégât humain. Ceux qui étaient sur les lieux ayant fui juste au début de l'incendie et ceux qui ont traîné les pieds ont dû escalader un mur car le feu avait déjà envahi le seul passage qui sert de sortie de la galerie. Merci Pascal Nyoyangonze. La régie des eaux a promis de s'exprimer là-dessus dans nos éditions de demain. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le gouvernement burundais rejette le contenu du rapport oral de la commission qui a été chargée d'enquêter sur les violations des droits de l'homme au Burundi. Ce rapport va être présenté dans la 35e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme qui a débuté ce mercredi à Genève en Suisse. Dans un point de presse, le ministre des droits de l'homme, Martin Ivyavandi, a indiqué ce mercredi que la commission elle-même qui en est l'auteur a été mise en place sans l'aval du gouvernement burundais. Joseph Sabiyavandi. En tant que gouvernement de la République du Burundi, nous avons réfuté le contenu du premier rapport. Nous sommes dans la même logique de condamner le contenu du rapport oral de la commission d'enquête. Le gouvernement burundais dit ne pas reconnaître la légitimité de la commission chargée d'enquêter sur les violations des droits de l'homme au Burundi. Selon le ministre des droits de l'homme, cette commission a été mise en place par force pour incriminer dans ses rapports les autorités publiques burundaises. L'objectif de ces rapports est apparemment de chercher par tous les moyens à incriminer les plus hautes autorités civiles, que militaires ou policières, comme auteurs de violations des droits de l'homme. La commission d'enquête actuelle a été mise en place par le forcing de l'Union européenne, contrairement aux usages du Conseil des droits de l'homme qui privilégie le consensus pour l'adoption des résolutions sur un pays. Nous le répétons, la commission n'a pas sa raison d'être, car elle n'apporte pas de nouveaux éléments par rapport au rapport de l'EUNUP. Nous allons condamner le contenu de ce rapport, promet le ministre Martin Ivyavandi. En tant que gouvernement de la République du Burundi, nous avons réfuté le contenu du premier rapport. Nous sommes dans la même logique de condamner le contenu du rapport oral de la commission d'enquête qui est son extension. Nous, non, au Burundi, il ne faut jamais croire que le gouvernement est dans la négation, absolument pas. Nous, nous disons, produisez des rapports professionnels. Quand dans vos rapports, vous voulez incriminer les hautes autorités, qu'il y a des prisons clandestines, et vous identifiez une série des hauts gradés de l'armée, de la police, des civils, qu'au niveau du palais présidentiel, il y a des prisons. À un certain moment, on se pose la question de savoir si celui qui a fait l'enquête a été sur le terrain ou n'a pas été manipulé. Heureusement que la réponse se trouve là-dedans dans le rapport de l'UNEP. Il est stipulé que la plupart des informations étaient collectées via les numéros WhatsApp. Le ministre des Droits de l'Homme explique la position du gouvernement par la manipulation des commissaires. Quand vous commencez à utiliser les enquêtes pour des fins politiques, pour atteindre tête de sang, nous disons absolument non, nous sommes un pays souverain. Nous sommes un pays qui fait la promotion des droits de l'homme. C'est déjà inscrit comme principe au niveau de notre constitution. Disons que nous le faisons, non pas parce que nous avons reçu l'injonction de quiconque, mais parce que nous sommes un gouvernement responsable. Le ministre Martin Ivyavandi exige le professionnalisme des commissaires des droits de l'homme dans les enquêtes et l'élaboration des rapports, une condition pour avoir la coopération du gouvernement burundais. Merci Joseph. Il y a un employé du ministère de la fonction publique qui travaillait dans la province de Bujumbura qui a été arrêté ce mardi pour avoir octroyé frauduleusement des primes de fonction à certains fonctionnaires de l'État. Le ministre de la fonction publique appelle toutes les personnes qui ont indûment perçu des salaires grâce à des documents leur octroyés par Fabien Hakizimana de remettre les fonds perçus au plus vite, faute de quoi des mesures appropriées seront prises. On l'écoute. Avec l'appui de nos services techniques, avec l'appui de l'administration, avec l'appui de la police, nous avons mis la main sur quelqu'un qui utilisait des faux documents pour octroyer des primes indûment, qui aidait à des gens à octroyer des primes indûment. Et ce qui lui facilitait ce travail, c'est qu'il est un agent du ministère de la fonction publique qui était affecté à la province de Bujumbura, anciennement appelée Bujumbura rurale. Comme il était du ministère, ça lui facilitait, mais il utilisait des faux documents, des cachets frauduleux. Ce n'est pas un travail fait au hasard parce que nous avons eu même des témoins, et nous avons des gens qui ont accepté qu'ils ont perçu ces primes indûment. Cette personne a contribué à la défaillance de l'économie burundaise. Le ministre de la fonction publique. Parlons maintenant environnement. L'homme est considéré comme premier acteur dans la dégradation de l'environnement qui tend à s'aggraver au Burundi. C'est le constat de Samuel Ndahiragije, directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, à l'occasion du lancement ce mercredi de la semaine de l'environnement au Burundi. Il a fait remarquer que la démographie galopante constitue également un des facteurs clés de cette dégradation de l'environnement. D'après lui, l'espace qui était réservé aux forêts et parcs est aujourd'hui habité, ce qui place l'environnement en danger. Et pour sortir de cette situation et préserver l'environnement au Burundi, il faut que le pays se dote des plans d'adaptation à ces impacts de changement climatique. Faute de quoi, il y a risque de ne pas atteindre le développement durable, comme le souligne le professeur Jean-Marie Sabushimike, enseignant à l'Université du Burundi. Il propose également l'adaptation des schémas d'aménagement du territoire au contexte actuel de l'environnement. Suivez le professeur Jean-Marie Sabushimike. On observe des dégradations de l'environnement de manière générale qui peuvent être poussées selon les endroits. Dans ces conditions, pour protéger l'environnement, il faut travailler conformément au plan d'adaptation à ces impacts des changements climatiques. Si on n'a pas de plan d'adaptation, on risque d'avoir des problèmes de développement durable et si ce n'est pas vraiment des requis en termes de développement économique. Est-ce que ces plans existent au moins en Burundi? Je sais que des plans d'aménagement du territoire existent pour chaque région. Est-ce qu'ils restent adaptés aujourd'hui au contexte actuel? Il ne faudra pas plutôt les adapter au contexte actuel. Parce que c'est grâce à ces schémas d'aménagement du territoire qu'on peut avoir des connaissances sur les caractéristiques sociales, économiques et environnementales pour savoir corriger ces politiques et ces programmes d'aménagement du territoire. Vraiment, il nous le faut. Et j'ajoute à cela, en termes de changement climatique, qu'il faut avoir plutôt une cartographie des risques naturels pour bien les prévenir et gérer des catastrophes potentielles. C'était le professeur Jean-Marie Sabushimike, dont les propos ont été recueillis par Placide Niyomwongere. Et les élus du peuple trouvent que si rien n'est fait, les mœurs et les coutumes burundaises risquent de disparaître. Certains députés trouvent que les mœurs burundaises se détériorent au fur et à mesure. En tout cas, aujourd'hui, plus que les années passées, ils évoquent les exemples liés à l'accoutrement, le non-respect des adultes et l'usage de la langue nationale. C'était ce mercredi lors des questions orales où la Chambre basse du Parlement avait invité le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture pour répondre aux questions se rapportant aux activités de ce ministère. Reportage Charles Makoto. Les mœurs et les coutumes burundaises vont en se détériorant, que ce soit chez les jeunes que chez les adultes. Lors des questions orales à l'Assemblée nationale adressées au ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture ce mercredi, le député Odette Habonimana trouve que si rien n'est fait, le Burundi risque de perdre son identité. Ici, nous avons donné quelques exemples qui montrent comment nos mœurs sont en train de se détériorer. Il y a l'habillement indécent dans différentes places, que ce soit au service, dans différentes cérémonies, dans les églises et ailleurs. Nous voyons ici et là de jeunes filles qui ont des grossesses non désirées dans les écoles, dans les familles. Nous voyons des personnes âgées qui ne sont plus respectées dans leur famille. Il y a différentes cérémonies rituelles qui se font dans une seule journée, alors que chaque cérémonie a sa signification dans la culture burundaise. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale déplore quant à lui la négligence de la langue nationale et pointe du doigt les intellectuels et les hommes politiques burundais dans la détérioration du Kirundi. La question de la langue nationale a été, depuis les années 60, négligée par les intellectuels qui ont voulu se différencier à ceux qui n'ont pas été sur le banc de l'école. De la sorte, nous n'avons pas donné de la valeur à notre langue maternelle, alors que c'est une langue qui se suffit. Une langue pilier de la culture de notre pays, le Burundi. Nous devons comprendre que la langue nationale est la base de la culture. Bien que nous pointions du doigt les autres, je dirais que nous les politiciens, nous sommes les premiers à être pointés du doigt. Cela transparaît dans différents discours des politiciens qui font appel à d'autres langues. Nous devons faire plus pour que notre langue garde sa saveur. Dans ses réponses aux préoccupations des élus, Jean Bosco Hitimana, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, indique que la solution proviendra de la création de la Maison de la Culture. Au niveau du ministère, nous avons fait une analyse qui a montré que vos préoccupations sont fondées. Nous avons mis sur pied un projet d'une politique nationale culturelle pour une période de 5 ans. Cette politique va nous donner l'orientation pour projeter les mœurs qui sont en train de se détériorer. Et notre projet portera sur la maison de la culture. Celle-ci contribuera à restaurer les mœurs et apporter une solution à toutes les préoccupations liées aux mœurs, à la langue nationale qui n'est pas bien parlée. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture indique que les agents de la fonction publique doivent s'habiller d'une façon décente sous peine des sanctions administratives. Charles Makoto, c'est sur ce reportage que nous bouclons ce journal en vous rappelant quelques titres. En certain, Fabien Hakizimana, employé de la fonction publique, a été arrêté. Il aurait facilité la perception de salaire indu par des fonctionnaires en leur octroyant des primes de fonction auxquelles ils n'avaient pas droit. Et trois stations-service de la mairie de Bujumbura, à savoir Mogas Nyakabiga, Mogas Kigobe et Kigobe City Oil, sont suspendus pour une période de 7 jours à partir de ce 15 juin. Selon le communiqué du ministère de l'Énergie, ces stations ont continué à violer les règles de commercialisation du carburant, notamment la distribution du carburant dans les bidons sans autorisation. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour la mise en onde au micro. Jean Bosco Ouimana, nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.